sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette première édition de Sur la transversale sur CanFoot Plus et sur Canadian Soccer News. Je suis Kevin Laramé, votre animateur qui va vous suivre ce soir, ce matin, aujourd'hui, demain, hier et peut-être encore ce soir dans cette rétrospective de la saison du FC Montréal. Première saison dans la USL, la United Soccer Leagues. L'équipe école, si vous voulez, l'équipe première de l'Académie, l'équipe du top de la pyramide de l'Académie de l'Impact de Montréal, dirigée par Philippe Lafroy. Donc aujourd'hui, dans l'émission, nous avons justement la conférence de presse, le scrum, le wrap-up, le bilan de saison, le post-mortem du FC Montréal qui a eu lieu ce lundi midi. Tristan Damour, notre correspondant pour USLRadio.com, correspondant du FC Montréal, était présent, a enregistré et participé à la conférence de presse. Donc, on va écouter ça aujourd'hui. On va donner nos trois trophées annuels. Donc, c'est le début d'une tradition, ici, sur la transversale. Les trois trophées annuels du FC Montréal. Et ces trois trophées sont le joueur de la saison, la découverte de la saison et le pilier de la saison. Donc, ces trois trophées vont ressortir trois joueurs qui se sont démarqués, qui sont améliorés, qui ont performé, qui sont développés, qui sont devenus des pros. Tous les joueurs de l'effectif en 2015 sont devenus des pros pour l'FC Montréal. Mais ce que je veux dire, les pros, c'est pas juste recevoir un chèque de paye et travailler tous les jours comme joueur de soccer. Être pro, c'est amener cette attitude, amener cet état d'esprit un petit peu plus loin. Et les trois gagnants des trophées qu'on va nommer aujourd'hui ont cette attitude, ont démontré cette attitude et ont prouvé cette attitude cette année sur le terrain, en dehors du terrain, dans le vestiaire, en entrevue. Ces trois joueurs-là ont prouvé cela cette année et c'est une des raisons pourquoi on les a choisis sur la transversale, ces trois trophées-là. Donc, pour commencer, on va faire un petit survol de la saison. Une saison de 28 matchs qui a commencé le 28 mars 2015 contre les grands rivaux de la 401, le Toronto FC, une défaite de 2-0. C'était un début de saison très difficile pour l'FC Montréal. On ne se cachera pas, ça n'a pas été facile. 5 défaites de suite. Première victoire a été le 14 mai contre le Battery Charleston, une des équipes uniques en USL. Ce qu'on veut dire, c'est que la USL est une ligue un peu différente. Si vous n'avez pas suivi la USL cette année, c'est une année charnière pour la USL. Il y a plusieurs équipes qui sont affiliées directement avec une équipe de la MLS. Donc, si on regarde les Red Bulls de New York, 2, le LA Galaxy, 2, le Toronto FC, 2, FC Montréal, il y a aussi Seattle 2, Toronto, Timbers Portland 2. Il y a quelques équipes aussi qui ne sont pas directement une équipe de l'Académie, une équipe qui sont dans la pyramide d'une équipe de la MLS, mais qui ont une affiliation directe avec d'autres joueurs. Donc, si on regarde Saint-Louis FC, a une affiliation directe avec Chicago. On a vu Mike Maggi jouer pour le Saint-Louis FC cette année lorsqu'il revenait de blessure. Donc, il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes dans l'USL. Donc, ça vous donne un peu une essence de quel genre d'équipe qu'il y a dans la USL. Donc, pour revenir à la première victoire du FC Montréal, de son histoire à la USL, le 14 mai 2015, contre Battery Charleston, une victoire de 1-0 à Montréal. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est, moi, je veux me rappeler toujours la personne qui a marqué le premier but d'histoire du FC Montréal, et cette personne est Louis Bélan-Goyette, un joueur qui a gradué avec le grand club en 2014. Malheureusement, en 2015, il a été prêté, je m'en allais dire, mais non. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il a été assigné au FC Montréal pour la saison. Il n'y avait pas possibilité pour Louis d'aller avec la MLS. Mais comme on a pu voir pour le joueur comme Jérémy Gagnon-Lapéry, qui avait la possibilité de jouer à MLS, ça n'a pas été nécessairement le cas. Ils ont plus joué avec le FC Montréal que pas. Donc, Louis Bélanguilette, premier buteur de l'histoire du FC Montréal le 14 mai, lors de leur première victoire à vie. La saison du FC Montréal, en première moitié de saison, c'est bon. Oui, c'est une saison en deux temps, comme toutes les saisons. Si on s'est passé en deux, ça va être des saisons en deux temps. Mais c'est une saison en trois temps, je dirais même, pour l'impact, pour le FC Montréal. Et vous voyez, ça, c'est le lapsus qui va arriver très très souvent quand je vais faire l'émission entre le FC et l'impact de Montréal. Pour le FC Montréal, jusqu'au début juillet, c'était pas facile. C'était un mélange de défaites avec par-ci par-là une nulle et seulement la victoire contre Charleston. Tout ça a changé le 12 juillet contre le Riverhounds de Pittsburgh. Le 12 juillet, une victoire de 4-2 à la maison. Mais 4 buts qui a aidé la confiance de l'équipe et qui a propulsé le FC Montréal à sa deuxième meilleure séquence de l'année. L'autre qui n'était pas longtemps après. Victoire le 12 juillet. Ensuite, le 15, Saint-Louis FC vient à la maison. Marque 5 buts, 9 buts en deux matchs. Ça l'aide la confiance d'un club qui n'a pas été facile pour eux de compter tout au début de la saison. Ces deux matchs-là, 4-2, 5-2. Oui, ils ont concédé deux fois. Mais lorsque tu marques 4 buts et 5 buts, c'est pas grave, le 2 buts. Et ensuite, sur la route, contre Toronto FC, au Ontario Soccer Center, à Vaughan, où est-ce que le Toronto FC 2 joue. Une victoire de 1-0. Donc, cette séquence de 3 victoires du 12 au 21 juillet était, selon moi, le début et les graines semées du vrai bon moment de la saison qui a commencé quelques temps plus tard. Le 24 juillet, retour à la réalité, une défaite de 2-0 sur la route contre l'Independence de Charlotte. Ensuite, ça va à Charleston. Un nul. 0-0. Concède pas. La bonne séquence commence. Ensuite, arrive, selon moi et selon plusieurs observateurs, le moment clé de la saison du FC Montréal. Le plus haut sommet qu'ils ont atteint cette année. Les émotions étaient au plus haut, devant la plus grosse foule de leur histoire, sur la route, un terrain hostile. Le 5 août 2015, contre Louisville City FC, dont fait partie Matt Fundy, qui a, si vous ne savez pas, marqué 22 fois cette année en USL pour battre le record du plus grand nombre de buts dans une saison. Donc Matt Fundy, à la maison, avec Louisville, FC Montréal de Barcanville, marque 4 buts, garde le beigne entre les filets, le fameux donut, 4-0. FC Montréal devant presque 7000 personnes crée le choc, l'émotion, le silence et le désarroi à Louisville. Ils ont slogué. Retour à Saint-Louis. 3-1. Ils ont surfé la vague de succès entamée à Charleston, conçue à Louisville et consommée à Saint-Louis. Retour à la maison. Contre les rivaux de la 401, pour l'avant-dernière fois de la saison, 2-1, une autre victoire, 4 matchs sans défaite, 3 victoires de suite. Sans voir à Wilmington, pas un match facile, ils sont pas capables de marquer, mais concèdent pas, 0-0. 5 matchs de suite sans défaite, 3 victoires, 2 nuls. Le moment clé de la saison, la séquence gagnante du FC Montréal, probablement le moment que tous les joueurs et tout le staff, l'équipe technique, veulent se rappeler et veulent bâtir dessus. Oui, on a appris beaucoup de choses au début. On a fait la différence entre les hommes et les enfants. C'est un cliché. Mais c'est vrai. Puis si on regarde des choses, si on se ramène au début mars, à mi-mars, lorsqu'on a commencé à suivre l'équipe plus en détail, les joueurs qu'on voyait, les joueurs qu'on pensait devenir stars, les joueurs qu'on pensait devenir les piliers ou les pièces maîtresses de cette équipe, mais en fin de saison, c'est pas nécessairement ces mêmes joueurs-là. Donc, on a appris beaucoup de choses. On a réussi à résoudre certains problèmes, certains énigmes que certains joueurs nous posaient. Un joueur comme Fabien Morali, qu'on pensait qu'on voyait très haut dans l'estime de plusieurs personnes. Il a pas mal fait cette saison. Non, il a pas, pas mal fait. Mais il n'a pas dominé au point où ce que l'équipe technique et les observateurs de FC Montréal, dont moi inclus, ont pensé. Mais un joueur comme Alexandre Rigi, qui revenait un peu à la maison après un écart de chemin en Europe et ailleurs, essayer de se faire une place ailleurs, revient à la maison avec l'FC Montréal, l'Impact de Montréal, l'Académie avant, revient avec l'FC Montréal, retrouve sa place, gagne du crédit, gagne en maturité, gagne en confiance, devient le meilleur marqueur du FC Montréal cette année. Le FC Montréal, Philippe Lafroy même, a nommé ce joueur, comme vous allez l'entendre plus tard dans l'entrevue, joueur de la saison, Alexandre Rigi. Donc, c'est tout un retour aux sources pour lui, tout un retour à la maison, entouré de sa famille, ses amis. Très importante saison pour Alexandre Rigi. Il a grandi énormément dans les 6 derniers mois et c'est clé pour son développement. Et c'est pour ça que le fait d'avoir le FC Montréal est important pour le développement. Vous allez voir que l'étape qu'un Carl Ouimet, Maxime Tissot ou André Lefebvre, Zachary Messaoudi, même si on retourne à quelques années en arrière, le step en bon français qu'ils ont dû faire entre l'Académie, la BDL en USSF puis la MLS, c'est incroyable le step. C'est pas un step, c'est un étage au complet. Mais avec l'équipe de USL, au moins, on rapetisse l'auteur de l'étage. On l'enlève peut-être pas au complet, mais l'étage est rapetissé de beaucoup. Donc, avec la USL qu'on va voir cette année, c'est sûr, on s'attend pas à ce que les 25 joueurs de l'effectif graduent avec le premier club de l'Impact de Montréal, et c'est pas le but. Mais si un ou deux, ou trois, quatre par saison, ou après une saison ou deux, on va commencer à en avoir, c'est pas grave s'ils passent deux, trois, quatre ans en USL, les instincts se bâtissent, ils peuvent pratiquer avec le grand club, il y a un va-et-vient possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire avec le FC Montréal pour plusieurs, puis les joueurs ont la clé du succès entre eux. Puis on l'a vu, même si le côté physique, ils ont une grosse différence avec le reste des grosses équipes. Si on regarde les Rochester qui sont en feu, premièrement, Rochester ont accordé seulement 5 buts à la maison cette année. Ils ont une défaite cette saison seulement à Rochester. Un des favoris pour gagner les séries de la USL qui ont commencé ce soir. Avec Colorado qui s'en va maintenant face de Oklahoma en demi-finale. C'est Colorado qui a gagné ce soir. Mais si on retourne au FC Montréal, le développement, on va voir. Donc, mais si je regarde un joueur comme Alexandre Rigi, qu'on pensait pas qu'il allait devenir un joueur clé, on avait une petite idée, on savait à quel point il était bon, mais ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas vu, t'es ailleurs. Loin des yeux, loin du cœur. Il est revenu. On a vu ce qui est arrivé avec lui. Il a prouvé, il a grandi, il devient tranquillement, pas vite, un espoir pour l'Impact de Montréal qu'on pensait pas venir. Donc, c'est ce que ça démontre l'importance du FC Montréal, il va y avoir d'autres joueurs comme ça. Et oui, je pense que c'est maintenant le temps de décerner, pour la première fois, de l'histoire de sur la transversale, les trois trophées individuels pour le FC Montréal, les joueurs que, selon nous, méritaient une mention. Et on commence avec la découverte de l'année. Un joueur qui n'était pas là présent, n'était pas présent toute l'année, mais lorsqu'il est arrivé, il a eu un impact direct avec le FC Montréal, autant sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire et en dehors. Si vous allez sur USL Radio, vous allez voir un peu les commentaires et les rapports de match de Tristan Lamour. Mais écoutez les USL Radio, où est-ce qu'on parle à Zachary Sukunda, où ce qu'il décrit Jacques Hamann comme étant extrêmement extraverti en dehors, gêné, mais de bon cœur, bonne humeur, dansant, chantant, qui entraînant dans sa joie de vivre, son bonheur et le plaisir qu'il a à être un footballeur professionnel, c'est important. Et pour moi, ça a eu un impact, ça a soudé l'équipe, ça leur apportait un petit peu de positif quand il y a eu des moments difficiles. Jacques Hamann a eu un impact direct sur le terrain, a marqué des buts importants, était présent lors de grandes victoires, donc celle contre Toronto FC le 12 août à Montréal. Donc, ça, pour moi, c'est des moments importants. C'est quelque chose de très positif pour le futur. Et Jacques Hamann est ma découverte de l'année. Découverte de la saison pour le FC Montréal. Est-ce qu'il va être avec l'Impact l'année prochaine pour apprendre de Didier Drogba? Peut-être. C'est un style de jeu qui ressemble un peu à Drogba. Quand on y pense un peu plus, c'est des joueurs qui sont peut-être similaires. Donc, pourquoi pas envoyer Jacques Hamann pratiquer, ou si ce n'est pas déjà fait, pratiquer avec Didier. Deuxième trophée de la saison, qui, selon moi, est le trophée le plus important. Pilier de la saison. Je voulais dire pilier. Si on a une équipe qui est la première équipe de l'Académie, c'est une équipe que, oui, le développement, il va avoir une certaine rotation dans les joueurs. C'est tout d'avoir la constance. Mais pour avoir un bon développement, on a besoin de constance. Il y a un joueur, moi, que j'ai vu et qui était constant toute l'année. Toujours présent. Défense. Il est capable d'attaquer, d'aller sur les ailes, de crosser, d'avoir une belle chimie avec l'ailier qui est en avant de lui. Je parle de Jean-Luc Charbonneau. Pour moi, Jean-Luc Charbonneau, on ne parle pas de Jean-Luc Charbonneau ici en tant que futur espoir, futur remplaçant de Laurent Simon, futur remplaçant de Yongo sur le côté droit de la défense, non. Mais on parle de Jean-Luc Charbonneau étant un footballeur solide présentement en USL avec le FC Montréal. Un joueur sur qui qu'on peut compter. Un joueur sur qui il apprend, il est solide, il est responsable. Il est crédible. Il a eu le ballon. Il n'a pas peur. Il se lève la tête, regarde. Prend le temps d'analyser la situation, garde ses repères. Un joueur qui m'a impressionné tout au long de la saison. Et pour ça, parce que c'est un joueur qui a eu le plus de minutes pour le FC Montréal aussi, il était constant sur le terrain pour le FC Montréal. Mon pilier de la saison, Jean-Luc Charbonneau. Les joueurs de la saison, ce n'est pas une surprise, une révélation, un retour, un phénix. Il est renu. Il est renu. Renaît de ses cendres cette année, en 2015, avec l'Académie de l'Impact de Montréal et l'FC Montréal. Alessandro Rigi, joueur de la saison, meilleur marqueur, joueur de la semaine à quelques occasions, partie de l'équipe de la semaine, plusieurs occasions, un doublé, des grosses soirées de travail pour Alessandro, mérite pleinement la mention de joueur de la saison. C'est un des seuls qui a réussi à se démarquer pour les bonnes raisons quand c'était le temps. Donc, ces trois joueurs méritent la première édition. Donc, la première édition annuelle des trophées de sur la transversale. Bon, assez niaisé. Là, c'est le temps. On va remercier Tristan Damour d'être présent à la conférence de presse et on va écouter Philippe Lafroy, coach en chef et directeur de l'Académie du FC Montréal, de l'Impact de Montréal, nous parler de son bilan de saison, de la première saison d'existence du FC Montréal en USL. Je suis Kevin Laramé. Jusqu'à la prochaine fois, bien. Bon soccer. C'est beau. Premièrement, Philippe, tu pourrais-tu me donner un petit constat de ta saison, la première saison avec le FC Montréal? Oui, un constat qui est mitigé, je veux dire mitigé si on parle de deux perspectives. Si on parle d'une perspective de résultat, on ne peut pas être satisfait en tant que compétiteur d'avoir des résultats qui ont été sur le terrain assez moyens, même si la deuxième partie de saison a été nettement mieux. Et si on prenait simplement en compte la deuxième partie de saison, on aurait fini quatrième dans la Ligue, ce qui n'est pas négligeable. Mais sur l'ensemble de la saison, ça reste qu'on ne peut pas être satisfait des résultats. Si on se prend sur une perspective de développement, eh ben là, on peut être satisfait parce que la progression a été visible, parce que cette deuxième partie de championnat, même si ça s'est mal terminé, on termine quand même sur une très bonne fiche qui nous aurait permis de faire les playoffs si on avait été sur la même mode de fonctionnement et la même performance au début de saison. Donc ça veut dire que les jeunes ont progressé, ça veut dire que les jeunes se sont développés et de ce point de vue-là, ça reste positif. Il y a eu beaucoup d'adaptations première moitié de saison. Est-ce qu'il y a eu une adaptation pour le staff, le coach aussi? Il y a une adaptation parce que nous non plus, on connaissait pas la Ligue. Hein, donc on l'a découvert comme les jeunes. Il a fallu qu'on s'ajuste dans notre discours, dans notre degré d'exigence. Mais ça a été, notre discours a été, notre ajustement a été largement facilité justement par le niveau et par le championnat USL, les équipes qu'on a rencontrées, parce qu'on a ce qu'on a demandé de faire aux jeunes, notre exigence s'illustrait toutes les fins de semaine sur les performances sur le terrain. Donc ça renforce notre discours et ça permet aux jeunes d'être encore plus concernés, encore plus concentrés sur la tâche et de savoir exactement où il doit aller s'il veut survivre et vivre et dominer à ce niveau-là. Le fait d'avoir des jeunes de l'académie U23 comme ça qui jouent contre des hommes dans d'autres formations, qui sont vraiment des formations pleinement professionnelles et non d'académie, est-ce que tu as l'impression que ça les fait progresser plus vite en quelque part? C'est un passage obligé. Je pense que cette réalité de jouer contre des hommes, on l'a pu l'avoir pendant les 2-3 premiers mois. Après, je pense qu'on ne voyait plus forcément... sauf encore certains passages quelquefois, mais on voyait plus cette différence-là. Il est évident que si on n'avait pas cet outil de la USL, on attendrait que les jeunes rentrent dans le groupe de la MLS pour se dire « Ah, on y joue contre des hommes ». Ce passage-là, il aura été fait. Ils auront perdu, entre guillemets, leur virginité à ce niveau-là en jouant contre des professionnels, contre des équipes pro. Et quand ils vont intégrer le groupe professionnel en MLS, ils vont être des hommes à part entière. Ils auront déjà vécu cette expérience de jouer contre des hommes plus expérimentés et vont pouvoir exprimer leur qualité dès qu'ils seront dans le groupe de la première équipe. Est-ce que tu as eu des difficultés avec le quota canadien de l'association, que ce soit pour intégrer des joueurs de la première équipe qui descendent ou d'intégrer tes propres joueurs ou les joueurs internationaux qui sont arrivés en milieu d'année? Nous, pas du tout, parce qu'on a un effectif à 95% de Canadiens. Donc, le quota, c'était d'avoir 6 joueurs partants dans l'équipe. C'était largement dépassé à chaque fois. Donc là-dessus, on n'a aucun souci. On n'avait pas besoin de faire les comptes, de savoir est-ce qu'on peut faire jouer lui ou non. Ça a été respecté à 100%. C'est aussi une des volontés d'avoir un bassin de joueurs canadiens important. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais nous donner ton joueur de l'année? Le joueur de l'année, c'est le plus petit. Alessandro Origi qui a été très très bien, qui a démarré comme les autres un petit peu tranquillement et qui a grandi. Alors il est pas plus grand qu'en début d'année, il a pas eu un poussé de croissance, mais dans la qualité, dans son implication, dans son influence sur le jeu, il a été de plus en plus déterminant tout au long de la saison. Donc pour nous, ce serait le joueur de l'année pour le FC Montréal. Tu voudrais que les espoirs de l'Impact retiennent de cette première année du FC Montréal, ce serait quoi? C'est difficile, t'as beau être dominant dans ton équipe, t'as beau être dominant avec les U18, t'as beau être dominant avec les U18, terminer troisième en Amérique du Nord ou être premier en saison régulière, la marche elle est encore très très haute simplement pour le FC Montréal. Donc imagine si tu passes des U18 à la MLS, on peut là maintenant beaucoup mieux comprendre comment les Max Tissot, les Vandril Lefebvre, les Jackson Hamel peuvent souffrir de ne pas avoir connu cette étape intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est bien de dominer dans ta catégorie d'âge, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, qui est d'être avec les pros et d'être bien avec les pros. Pas simplement être un numéro, mais d'être quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer dès qu'il met le pied dans l'équipe première. Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se décourager avec ce constat-là? Non, s'ils se découragent, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est évident, ça permet aussi de filtrer. Moi, je dis toujours que Charles Darwin était un entraîneur de soccer. La sélection naturelle, elle est là en permanence. Et s'ils ne sont pas prêts à souffrir et à travailler encore plus fort pour atteindre le niveau de la MLS, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ce métier-là. D'après toi, qui est le plus près de passer à l'étape suivante et pourquoi? On peut revenir à Alessandro Origi. Je pense que c'est quelqu'un que les pros, on aimerait qu'ils considèrent. Je pense qu'ils vont le considérer. C'est aussi un joueur qui est un petit peu plus vieux, qui a un peu plus de vécu. Donc lui, il est plus proche de l'équipe pro, mais c'est aussi normal vu son âge. Il a bientôt, pas encore, mais bientôt 22 ans. Donc c'est un gamin qui, à cet âge-là, doit être à la prochaine étape, c'est d'être chez les pros. S'il ne passe pas chez les pros l'année prochaine, c'est qu'au moins chez nous, ce sera pas la solution. Donc ce sera à lui d'essayer de faire une carrière ailleurs. Mais lui, il est proche et par sa qualité de jeu, mais également par sa maturité dû à son âge. Milieu de côté, il peut jouer derrière l'attaquant, mais il peut vraiment s'exprimer sur les côtés. Philippe, changement à la tête de la première équipe récemment. Dès ses premières élocutions, Mauro Biello a prononcé les mots « identité » et « philosophie ». Est-ce que pour le directeur de l'Académie, ça fait plaisir à entendre? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la part de l'entente, de la part du coach de l'équipe première. Nous, c'est aussi, ça montre aussi qu'on développe des entraîneurs, pas simplement des joueurs. avec un Jason Dituyo qui, bon, bien évidemment, on connaît son passé de joueur au club, mais qui s'est imprégné également de notre philosophie de club, de notre philosophie de formation et de l'identité qu'on veut avoir. Donc ça renforce encore plus l'identité du club et vers où on veut aller. Donc que Mauro l'exprime, bah, ça ne peut faire que renforcer ce que l'on pense et ce que l'on croit depuis plusieurs années. Philippe, est-ce que tu peux revenir un peu sur ta formation en Europe et puisque tu as retiré, ce que tu as apporté aussi à l'académie grâce à ça? Donc on a passé deux semaines, une semaine à Clairefontaine en France, une semaine, moi j'étais à Alkmaar, qui a été élu dans les trois dernières années meilleur centre de formation de Hollande, donc devant l'Ajax d'Amsterdam. On revient, on part avec une toute petite valise et on revient avec un conteneur d'idées. Sur le fond, on n'apprend pas énormément de choses. Je dirais que sur le fond, on est bien. On a mis des très très bonnes fondations au club et à l'académie. Donc je pense qu'à 80%, on est vraiment dans sur les bonnes choses. Maintenant, on est dans une situation où on doit améliorer les petites choses qui vont faire une grande différence. Donc, on est à faire de l'affûtage, de l'optimisation de notre process. Et c'est surtout ça que je retiens de ma période à Clairefontaine et puis à Alkmaar. C'est comment on peut s'améliorer sur beaucoup, beaucoup de petites choses. Et à l'heure actuelle où je t'en parle, j'ai la tête qui va à 3000 à l'heure parce que je vois déjà où on doit aller pour s'améliorer. Et il est évident qu'on doit s'améliorer. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup les yeux. Ça ouvre aussi beaucoup de synapses dans la tête, et les neurones bourdonnent et il y a beaucoup d'idées qu'on va mettre en place dès le mois de janvier. Est-ce qu'on peut s'attendre que aussi le groupe soit amené à voyager pour aller se confronter à d'autres talents? Ben, on aimerait mettre ça en place. Après, c'est une question de budget aussi parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce que les Européens ne se rendent pas forcément compte. Quand on parle avec les gens d'Alkmaar, par exemple, leur plus grand déplacement, c'est 1h30 en voiture. Nous, 1h30 en voiture, on ne peut pas jouer au soccer presque parce qu'il n'y a pas de club aux environs. Donc nous, on a beaucoup, beaucoup de budget qui passe dans les déplacements. Ils n'ont pas ce problème-là, donc ils ont un peu plus de moyens que nous. Alors à nous d'en trouver aussi un peu plus de budget pour permettre d'aller plus loin dans la formation et notamment d'aller vivre des expériences à l'étranger, de se confronter à des soccers différents que de celui de l'Amérique du Nord. Philippe, au-delà des enseignements évidemment très riches que vous tirez de ce type d'expérience, surtout lorsqu'on va en club, dans d'autres clubs, est-ce qu'il y a des relations qui se développent aussi au niveau diplomatique, politique, pour éventuellement changement de joueur, transfert et des trucs comme ça? Bah, changement de joueur, transfert, non, pour l'instant, parce que là, on parle vraiment de jeunes. Et puis, veut pas, ils sont sympathiques, mais on reste concurrents, même si on n'est pas sur le même continent. Eux, ils veulent avoir les meilleurs jeunes possibles pour ils jouent en équipe première, éventuellement les vendre plus tard. Ils ont vendu un jeune, la Coute, au Lazio de Rome, il n'y a pas si longtemps, pour plusieurs millions d'euros. Donc, eux, c'est leur objectif. Donc, ils ouvrent leur livre, mais pas forcément aux pages que nous, on aimerait voir. Mais ça, c'est normal. Donc, au-delà du partage de connaissances et d'expériences, il y a de la compétition. Et donc, ils en sont conscients. Ils sont aussi conscients que la MLS avance vite de la manière dont on travaille. On a une toute petite réputation, l'impact de Montréal là-dessus. Donc on veut la garder et la renforcer. Donc c'est pas encore sur d'échanges de joueurs, on est sur un petit peu d'échanges de process, tout en restant un esprit compétiteur entre les deux institutions. Ce qui est de bonne augure quand même pour la MLS, pour l'Impact, ce qui veut dire aussi qu'on ne voit pas nécessairement le foot, on ne voit plus le foot nord-américain comme on le voyait il y a peut-être 4-5 ans. Hein. Ah non, c'est clair, c'est même à la limite, ils posent plus de questions, ils s'intéressent plus à ce qui se passe en MLS que l'inverse, toute proportion gardée. Moi, je suis de souche européenne, donc je suis le foot européen, donc ça me surprend moins. Mais eux sont très très curieux de voir comment ça avance, l'environnement, les performances, la formation. Donc ils posent beaucoup beaucoup de questions et c'est vraiment un échange à ce niveau-là. Donc il y a une curiosité et maintenant ils savent que la MLS existe, ils sont pas surpris, l'Impact de Montréal c'est où. Ils sont au courant des situations, ils sont au courant bien évidemment des joueurs de l'envergure de Didier Drogba aide beaucoup pour cette renommée-là. Mais ils sont capables, moi j'ai rencontré des jeunes qui parlent pas un mot de français ou d'anglais et qui disent Drogba bravo 3 buts quoi. Voilà l'Impact de Montréal, donc le jeune il sait ce que ça représente l'Impact quand tu vas même à Alkmaar. Quand FC Dallas aligne 6-7 joueurs homegrown players, comme on dit, est-ce que tu as les yeux qui brillent? Est-ce que tu as un peu d'envie? Genre comment tu vois ça? Pour toi, l'avenir, c'est aussi que les joueurs soient au grand club. Bah, tu as résumé ça. Quand tu fais de la formation, s'il pouvait y avoir 11 partants dans l'équipe première, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on doit partir. Si on veut avoir des objectifs élevés et puis s'approcher de ces objectifs, on doit avoir cet objectif d'avoir un maximum de joueurs formés au club qui soient des partants avec l'équipe première. Maintenant, ils seront partants avec l'équipe première s'ils sont assez bons pour ça, s'ils le méritent. Donc que Dallas en est 5-6, bah, ça veut dire qu'ils font une formation de qualité, qu'ils ont des jeunes de qualité et qu'ils considèrent qu'ils peuvent amener quelque chose à leur club. Donc nous, c'est une idée claire et un projet clair, un objectif clair du club d'avoir un maximum de joueurs formés au club en première équipe. Donc, je pense que si on peut arriver à 3-4 partants dans les prochaines années, bah, ce sera déjà un objectif pas mal. Et puis à nous de convaincre l'entraîneur des pros, le staff des pros, qu'on a des jeunes au club qui méritent ça. Maintenant, on n'en est pas encore là, on en est loin. Mais dans les années qui viennent, voilà, c'est d'avoir un 3-4 partants. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable et un objectif raisonnable à atteindre. La relation avec la Soccer Canada, avec l'association canadienne, est-ce qu'elle est au beau fixe? C'est une bonne communication constante ou vous aimeriez avoir peut-être plus de relations bilatérales là, avec eux? On aimerait en avoir plus. On aimerait en avoir plus. Je dirais que sur la dernière année, ça s'est nettement amélioré, mais on partait relativement de loin. Donc ça ne peut que s'améliorer. Et grâce à des gens comme Rob Gale, par exemple, où on a vraiment des relations beaucoup plus fréquentes, ce qui n'existait pas avant. Et c'était un des manques de l'association canadienne de ne pas connaître assez les jeunes qu'ils avaient dans leur pays. Donc ça, c'est des choses qu'on cherche à travailler ensemble. Donc le contact avec les coachs de la CSA est nettement plus fréquent, est nettement plus riche. Mais on doit continuer à améliorer ça. Dans les dernières années, ce n'était pas le cas, mais là, les bases sont vraiment en place. Ils viennent de plus en plus souvent nous voir. Ils s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe à l'Impact de Montréal et dans son académie. Donc vraiment, si ce n'est pas au beau fixe, ça va vraiment vers le soleil. Génial. Merci Philippe. Je pourrais avoir quelques questions en anglais? En anglais? Juste deux, trois questions en anglais. Ouais, OK, pas de problème. Ça roule ça encore? Oui. Philippe, could you go over the first year, the inaugural year, for FC Montreal in USL? Yeah, look, there is two point of views. You know, the first one is like as a competitor, it was not very good season, obviously, because the result weren't there, even if the second part of the season was much better. But so the result wasn't as good as it should be. But as a, you know, in the development side of view, it's a positive season because the players improved a lot from the beginning last March till the end of the season in September. And because the second part of the season was much, much better in terms of results, that it's just a proof that the players improved a lot. So that's the positive part of the season. But we should build on that. And then next year we should, and it's obvious, we will start from not from the bottom, but like, you know, two or three steps above that and higher than we start this season. So the future is bright. But the result will be more and more important next year because we will not have the excuse saying that, we start with players that didn't know about the level, even the coaching staff. So now, you know, half of the squad will at least have 1 year of experience at that level. So the result will be even more important next year. Can you give us your player of the year in USL? The player of the year, obviously, it's the little one, Alessandro Riggi. We did very well, improved a lot, like the others, from March till the end of September. First, you know, he scored nine goals, and he had a real, real influence on the game, offensively speaking, the second part of the season. So for us, it's the best player of the year. You had a big transition at the half of the season. You weren't scared to cut certain players that maybe did not fit the FC Montreal mentality. Going forward into the second year, can you expect, or is this a message to players coming up that this is, even though there is a development mentality, there's still a goal and there's a result at the end, which is... Yeah, but it's when you're going with the first team, the results matter. That's the most important thing. And they need to learn that, you know, that if they're not if they're playing well, they're going to have results. So that's the first part. But now, if they're with the FC Montreal, that means they're playing well enough. But now they have to be efficient. So playing well is good, but at the end, you must win games. And if you don't show the potential that you have the potential to reach the first team, either on the technical part, the mental part, or the tactical part, that means you're not ready for the first team, even in the 2 or 3 years from now. And because it's the last step before reaching the first team, we need to work with players that we still believe in them. There is not a lot of, you know, position spots in this team, 24, 25, and we can't have with us players that we don't believe in. So instead of saying to the kids, you know, we're gonna see at the end of September, October, if you're good enough to continue with us, it's better for us to know that, you know, mid-season, we don't think you're gonna make it. You will not have more playing time till the end of the season. So it's on us from our part to say to the players, that, you know, stop dreaming. You will not reach the first team, at least in Montreal Impact. So it's a message that we can send to the players, even for those that are coming from the U18. You know, they had a good season. They were dominating. Very good result. They reached the fourth spot in North America in 2015. They reached the third position in 2014. That means they're dominating at that level, but still that it's going to be tough with the USL team. I mean, it's tough with the USL team. It's going to be tough with the MLS team as well. So they need to focus on that. They don't have to be distracted with their goals. You know, I want to play with the MLS team. Yeah, that's a great goal. But first, you have to be dominating with the USL pro team as well. Merci beaucoup, Philippe. Okay, merci, Tristan.